La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver au troisième jour de cette série que nous consacrons à des correspondances amoureuses. Une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurane Travaglichanal et Bruno Gagnère-Fontanille. Et cette semaine thématique, elle a débuté avec les lettres que se sont envoyées une quinzaine d'années durant Maria Cazares et Albert Camus, de leur première nuit ensemble, le jour du débarquement, à la mort du philosophe et écrivain le 4 janvier 1960. Alban Cerisier et Françoise Kleltz-Drapeau nous ont parlé de cette conversation épistolaire. Par ailleurs, France Culture diffusera en direct le 13 juillet prochain à 20h une sélection de ses courriers lus par Isabelle Adjani et Lambert Wilson. Et puis hier mardi, ce sont des lettres envoyées à sa jeune amoureuse Madeleine Pagès par Guillaume Apollinaire dont il a été question. Mon invité était Laurence Campa. Enfin demain, nous vous proposerons une première partie plus généraliste sur la correspondance amoureuse. Ce sera avec Yvan Leclerc. Et puis en seconde partie, Marie-Bénédicte Diethelm viendra nous parler des femmes autour de Chateaubriand. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, pour parler des lettres d'amour envoyées par Nabokov à sa femme tout au long de leur vie commune, je reçois Laure Troubetskoy, traductrice de ses lettres à Vera, parues aux éditions Fayard en septembre dernier, et dont on écoute tout de suite, en guise d'introduction, un premier extrait. Je ne le cacherai pas. J'ai tellement perdu l'habitude d'être, disons, compris, qu'aux premiers instants de notre rencontre, j'ai eu l'impression que c'était une plaisanterie, un leurre de carnaval. Et ensuite... Mais il y a des choses dont il est difficile de parler, de peur que le contact des mots n'efface leur merveilleux pollen. On m'écrit de chez moi en me parlant de fleurs mystérieuses. Tu es adorable. Et toutes tes lettres sont adorables, comme des nuits claires. Même celle où tu as si énergiquement souligné quelques mots. Je l'ai trouvée avec la précédente à mon retour de Marseille où j'ai travaillé au port. C'était il y a 2 jours. Et j'ai décidé de ne pas te répondre avant que tu ne m'écrives encore. Une petite ruse. Oui, j'ai besoin de toi, mon conte de fées. Car tu es la seule personne avec laquelle je puisse parler. De la nuance d'un nuage, du chant d'une pensée, la seule à qui je peux dire qu'aujourd'hui, en partant travailler, j'ai regardé en face un grand tournesol, et il m'a souri de toutes ses graines. Une lettre de Vladimir Nabokov à Vera Slonim qui date du 26 juillet 1923, lue ici par Pierre-Marie Baudouin. Bonjour Laure Troubetskoy. Bonjour. C'est donc la toute première lettre qu'on vient d'entendre, la toute première lettre envoyée par Vladimir Nabokov à sa future femme. Il est alors âgé de 24 ans et il se trouve en France, dans le Var. Il est en train de ramasser des fruits, d'être employé agricole. Qu'est-ce qu'il fait en France, si loin de Berlin, où il vient de rencontrer celle qui deviendra sa femme ? Il est parti là-bas, c'était prévu, avant cette rencontre, bien entendu, en partie pour se changer les idées après un chagrin d'amour. C'était son amoureuse précédente avec laquelle il avait été fiancé. Svetlana Stivers, qui était une toute jeune fille à l'époque de leur fiançailles. Elle avait 17 ans. Les parents, qui étaient des négociants prospères, n'étaient pas très chauds pour une union avec ce jeune poète désargenté qui n'avait pas l'esprit pratique. Et ils avaient accepté fêter les fiançailles au lendemain de l'assassinat du père de Nabokov, qui a été assassiné par des émigrés russes d'extrême droite. Bon, c'était lié à une soirée Miliukov où ces deux individus avaient essayé de tirer sur Miliukov. Le père de Nabokov s'était interposé et c'était lui qui avait été tué. Donc ça a été évidemment quelque chose de terrible. Et c'est dans ces circonstances-là que du bout des lèvres, les parents avaient accepté les fiançailles. Et puis quelques mois après, en janvier 23, donc 4-5 mois avant la rencontre avec Vera, ils disent non, elle est trop jeune, les fiançailles sont rompues. Donc il a une double raison d'essayer de se changer les idées en France, la mort de son père et puis cette rupture amoureuse. Alors s'il n'a pas pu se marier avec cette Svetlana, c'est donc en partie pour des raisons d'argent, alors que lui vient d'une famille très noble et qu'il était extrêmement riche avant la révolution, avant la révolution russe tout simplement. Oui, ils étaient très riches. La fortune venait en partie du côté de sa mère, qui était liée aux exploitations de mines de l'Oural. Ils avaient un superbe hôtel particulier sur la Marska, et l'une des rues les plus chics de Saint-Pétersbourg. Ils avaient d'immenses propriétés où Nabokov a passé de longs mois d'été pendant son enfance et qu'on retrouve au fil de ses œuvres. Mais évidemment, toute cette fortune a disparu avec la Révolution. Et Vera a une histoire un petit peu similaire. Elle aussi, fille de grands propriétaires terriens, se retrouve exilée à Berlin. Oui, et il y a quand même une différence qui est importante à l'époque dans le milieu russe, c'est qu'elle est juive. Et pour Nabokov, ça ne pose aucun problème, mais ce genre d'union n'était pas courant dans ce milieu-là. Mais le père de Vera était négociant, il a travaillé dans le commerce du bois, il a réussi à monter deux affaires assez prospères à Berlin au début des années 20, mais il a fait faillite dans le contexte de l'inflation galopante de la République de Weimar. Donc la situation d'Eslonim n'était plus florissante. Mais par ailleurs, Vera a fait des études, elle aurait voulu continuer à faire des études scientifiques, mais son père n'était pas chaud, elle avait une santé fragile à l'époque. Bon. Elle adorait la littérature, notamment la poésie. Elle écrivait des poèmes aussi. Oui, elle a écrit des poèmes, mais évidemment, on ne sait pas combien de temps elle a continué, puisqu'on sait très peu de choses d'elle, on y reviendra sûrement. Et surtout, elle lisait les poèmes de Nabokov, qui, depuis 21, publiait sous le pseudonyme de Vladimir Sirine. Parce que son père a le même nom que lui, donc voilà. Il ne voulait pas confondre. D'autant plus que Nabokov, fils, publiait beaucoup de poèmes dans le journal russe de Berlin, qui s'appelait Roul, le gouvernail, et dont son père était cofondateur. Donc, il avait pris ce pseudonyme. Et la jeune Vera, qui en 21 avait 19 ans, elle est née en 1902, lisait les poèmes de Vladimir Sirine, et non seulement les lisait, mais les découpait et les collait dans un cahier. Donc, elle a été sa lectrice précoce et sa grande admiratrice. Et donc, un jour, voilà qu'ils se retrouvent, on est le 8 ou le 9 mai 1923, dans un bal de charité, précisément, pour les immigrés russes. Voilà, il faut dire que Berlin, au début des années 20, était vraiment la capitale de l'émigration russe. Il y avait énormément d'émigrés russes et il y avait une vie intellectuelle et associative très active, avec beaucoup de périodiques, donc journaux, revues, et beaucoup de soirées littéraires, de débats et des bals de charité. Donc, ils se rencontrent là. Vera est masquée. Elle porte un demi-masque. Et lorsqu'il commence à parler avec Nabokov et visiblement à se plaire, Nabokov lui demande d'enlever son masque et elle refuse. Donc, c'est une rencontre où elle a cultivé le mystère. Une rencontre qui est placée sous le signe du mystère, de la poésie et d'une complicité naissante qui visiblement est très forte dès ses premiers moments. Oui, c'est vraiment une rencontre placée sous le signe de la poésie, puisque Nabokov partit donc en France pour se refaire une santé mentale et cueillir quelques fruits, écrit des poèmes qu'il envoie donc dans ce journal, Roule, sachant très bien que Vera va les lire, et donc ce sont des messages codés qu'il lui envoie d'une certaine façon. Oui, parce que effectivement, il n'y a pas la lettre de Nabokov dont un passage a été lu, est la première de ces lettres réunies dans ce livre, mais elle a été précédée par trois lettres de Vera. Alors on pourrait penser que elle, qui par la suite écrira si peu et par la suite encore détruira ses lettres, a une démarche tout à fait étonnante de lui écrire la première. Mmh. Mais en réalité, elle ne lui écrit pas vraiment la première, puisqu'elle a lu, et Nabokov savait qu'elle le lirait, dans Roule, le fameux journal, un poème qui s'appelle « Rencontre » et qui évoque très clairement leur première rencontre, avec un motif qui revient par deux fois, il y a « Et si tu étais mon destin ». Ouais. Il évoque la flèche qui le fait encore souffrir, c'est-à-dire son ancien amour, que Vera pouvait deviner puisqu'elle avait lu les poèmes précédents qui étaient des poèmes de souffrance amoureuse. Donc elle avait une longueur d'avance sur lui d'une certaine façon. Elle savait sur lui plus que lui sur elle. Il savait qu'elle savait. Voilà. Et donc cette connivence passe aussi par là, par cet échange qui n'est pas directement un échange de lettres. Et donc c'est après avoir lu ce poème où elle a reconnu leur rencontre que Vera lui écrit. Et évidemment, on donnerait cher pour savoir ce qu'elle lui a écrit. Oui. Donc Nabokov rentre et ça se fait facilement. C'est un coup de foudre entre les deux. Oui, ils se retrouvent. Alors, on sait peu de choses finalement sur la façon dont ils se sont retrouvés. Et ils ont toujours été très discrets sur les étapes et les détails de leur passion, parce que c'est une passion les premières années, et les lettres emportent la marque, mais même ces lettres du début sont assez pudiques. Bon, on va écouter justement une des marques de cette passion. Mon amour, ma merveille, mon amour, ma vie, je ne comprends pas. Comment est-ce possible que tu ne sois pas avec moi? Je suis si infiniment habitué à toi que je me sens à présent perdu et vide. Sans toi, mon âme. Tu fais de ma vie quelque chose de léger, de prodigieux, d'irisé. Tu illumines tout de l'éclat d'un bonheur toujours différent. Parfois, tu es d'un rose brumeux, duveté. Parfois, sombre et ailé. Et je ne sais pas quand j'aime le plus tes yeux, quand ils sont ouverts ou fermés. Il est à présent 11h du soir. J'essaie de toutes les forces de mon âme de te voir à travers l'espace. Ma pensée sollicite un visa édénique pour Berlin par voie aérienne. Ma chère ardeur, aujourd'hui je ne peux te parler de rien d'autre que du vide de ton absence. Je suis triste et inquiet. Des idées stupides me trottent dans la tête. Que tu trébuches en sautant d'un wagon de métro, que quelqu'un te bouscule dans la rue, je ne sais pas comment je vais survivre durant cette semaine. Mon cœur est lourd, je compte les heures, je compte les jours. Je voudrais te dessiner dans un désert. La compagnie des auteurs avec cette lettre du 13 août 1923. Alors Troubetskoy, on est donc encore au début de leur relation, mais le ton très amoureux, passionné, va demeurer, et cela jusqu'à la mort de Nabokov plusieurs décennies plus tard. Oui, c'est une passion qui évidemment évolue, plutôt un amour qui évolue, parce que je ne sais pas si on peut encore parler de passion après tant d'années. Enfin, il y a une très grande tendresse. C'est une très grande tendresse, une très grande complicité qui va demeurer jusqu'à la fin. Et c'est vraiment une correspondance au long cours, puisqu'on a plus de 50 ans de correspondance, avec évidemment beaucoup de trous, des années entières où ils ne se sont pas séparés, et une correspondance où on voit évoluer leur amour qui reste toujours très fort, et que Nabokov exprime toujours avec beaucoup de tendresse, même si les premières ardeurs, évidemment, ne sont plus là. Mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire de leur couple, justement, une œuvre d'art ? Certainement, d'autant plus que, notamment pendant la période américaine, et avec le succès de Lolita, il y a eu énormément de photos de leur couple. C'est vrai que c'est d'ailleurs un couple tout à fait complémentaire, Nabokov et le grand homme. Vera a été au début à la fois sa muse et sa lectrice idéale, et puis elle va devenir vraiment son bras droit. Mais c'est quelqu'un d'absolument indispensable, qui remplit tout en restant toujours en retrait, mais qui en même temps s'exhibe, ou du moins que Nabokov exhibe à ses côtés dans toutes ses photos. Et, à qui il dédie aussi la plupart de ses livres. Oui, à partir de 50, enfin à partir de la période américaine, il lui dédie absolument tous ses livres. Et rétrospectivement, les traductions en anglais de ses livres russes lui seront aussi dédiées. Mais ça n'est pas non plus quelqu'un qui aurait un rôle subalterne de secrétariat. Elle pose ses conditions et dès le début de la relation, on a le sentiment de quelque chose d'assez égal quand même entre eux. D'ailleurs, Nabokov le dit dans sa première lettre, elle a souligné énergiquement quelques mots dans une de ses trois premières lettres. Donc elle devait, on ne sait pas ce que c'est, mais elle ne restait pas passive. Mais ils étaient véritablement complémentaires. C'était une femme effacée d'une certaine façon, mais très volontaire. Une femme qui avait un revolver dans son sac à Berlin et qui plus tard aura un permis de port d'armes aux États-Unis avec le motif, là j'ai vu une photo du permis de port d'armes avec pour motif pour nous défendre dans les régions isolées lors des expéditions entomologiques. Oui, parce c'est lorsqu'il collectait voilà, des chasse papillons. Aux papillons. Oui. Alors il y a quand même en 1937 une année qui est un petit peu une année noire, une année plus sombre en tous les cas et plus douloureuse puisque Vladimir Nabokov a tout de même une aventure avec une certaine Irina Guadagnini, aventure très passionnel, là encore, mais qui ne semble pas totalement entamer la confiance au long cours du couple Nabokov. Je dois vous avouer que la première fois que j'ai eu les lettres entre les mains, les lettres russes, je connaissais cette histoire et je me suis jetée sur les lettres de 37 pour voir ce que ça donnait. Et c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de changements dans l'expression de sa tendresse. Bon, bien entendu, Nabokov ne dit rien et il nie. À Berlin, Vera a eu vent de l'affaire. Elle lui en parle visiblement dans une lettre et il nie. Simplement, ce que j'ai remarqué, c'est que les petits mots tendres qu'il lui écrit sont le plus souvent en anglais. Bon, ils ont toujours joué avec les langues, mais là, systématiquement. Comme si le russe était peut-être réservé à Irina. Enfin, on ne sait pas, mais « I long to see you »,« I adore you », presque tout est en anglais. Et bon, Nabokov était extrêmement déchiré, d'autant plus qu'il adorait aussi son fils, Dimitri, qui était né en 34. Et ça a été une année extrêmement dure. Et bon, il y a une suite. Oui, ce qui est drôle aussi, enfin si on peut dire, c'est qu'il est question que Vera le rejoigne pour séjourner dans le midi de la France. Et on voit dans les lettres que Nabokov s'évertue pour que Vera ne passe pas par Paris. Parce qu'à Paris, là, elle entendrait parler, évidemment, oui, des choses. Donc il y a un peu de mensonge alors quand même, malgré tout. Il y a du mensonge, oui. Vous vous êtes jeté sur l'année 37, mais je suis sûr que vous êtes aussi jeté sur l'année 58 pour voir ce que pouvait bien penser Nabokov quand il écrivait à sa femme, ce qu'il pouvait bien dire au sujet de Lolita. Parce que, évidemment, quand on publie un livre et qu'on a inventé le terme de nymphette et qu'on a une femme qui a 56 ans, peut-être que la femme de 56 ans le vit un petit peu mal, non ? On pourrait se poser la question, en tous les cas. Oui, je ne pense pas, parce que pour elle, c'était vraiment son œuvre. Et elle était là pour l'encourager, l'épauler et même promouvoir son œuvre. Alors, peut-être qu'à partir de là, la stratégie de photos de couple s'est renforcée, parce qu'il y a énormément de photos notamment à Paris, lors de la promotion de Lolita. Il y a même plus tard cette photo pleine d'humour, parce que Vera avait aussi beaucoup d'humour, de Vera qui a à l'époque 64 ans, je crois, en maillot de bain, avec toujours une silhouette superbe, sur une chaise longue au bord de la piscine du Montreux Palace, portant les lunettes de soleil en forme de cœur que porte Sue Lyons dans le Lolita de Stanley Kubrick, l'adaptation. Donc, ouais. Il y a toute distance. Mais il faut aussi dire que c'est Vera qui a sauvé Lolita, puisque à un moment, Nabokov pensait le brûler, d'après ce qu'ils ont raconté à leurs deux biographes. Nabokov était prêt. Ils avaient une maison aux États-Unis. Il y avait un incinérateur pour les déchets verts, et il était en train de porter les manuscrits de Lolita à l'incinérateur, et Vera lui aurait littéralement arraché des mains. Ouais. En tout cas, cette année-là, il n'y a pas tellement de lettres, en 1958, contemporaine de la publication de Lolita. Ce qu'on peut dire, c'est que on sent quand même que ces lettres, elles ont été écrites pour Vera. Elles n'ont pas été écrites pour être publiées ensuite. Et ça se ressent dans le ton, dans le style. Vous y avez pensé, évidemment, en les traduisant, Lord Trubetskoy, à cette destination. Oui, Brian Boyd dit quelque part que peut-être... dans les dernières lettres, les toutes dernières lettres de 1970, qui sont absolument délicieuses, d'ailleurs, de Taormina en Sicile, il l'attend, elle doit le rejoindre dans un hôtel. Voilà, il chasse des papillons. Ryan Boyd suggère que peut-être là, il était conscient que ces lettres passeraient à la postérité. Je ne sais pas, je ne les trouve pas plus écrites que les précédentes, mais il y avait une telle... il se comprenait au demi-mot, au quart de mot, donc c'est vraiment avant tout un dialogue. Entre eux. Alors c'est un dialogue dont il nous manque évidemment la moitié, parce que Vera a détruit ses lettres. Oui, ça c'est terrible. Elle a détruit absolument toutes ses lettres, et elle a même supprimé dans des cartes postales qu'ils avaient envoyées ensemble à la mère de Nabokov, elle a barré ou gratté ce qu'elle avait écrit elle, en laissant juste ce qu'il avait écrit lui. Oui. Et lorsque l'une des sœurs de Nabokov a publié sa correspondance avec son frère, ce qui n'est pas traduite, je crois, ça s'appelle en russe «Переписка с сестрой», correspondance avec ma sœur, avec sa sœur, Vera lui aurait reproché son manque de modestie pour avoir publié ses propres lettres à côté de celles de Nabokov. Alors il y a aussi quelques trous, enfin des étonnements en tous les cas, et notamment le fait qu'il ne soit quasiment jamais question de la guerre, quasiment jamais question d'Hitler, sauf une fois ou deux. J'ai noté par exemple qu'à un moment donné, Nabokov raconte à Vera qu'il a rencontré un vieux monsieur spécialiste des hespéridés, un papillon, avec qui il dit avoir parlé de tout, depuis, je cite, « les organes génitaux des hespéridés jusqu'à Hitler ». Voilà. Donc c'est à peu près la seule mention de Hitler. Or, quand même, eux-mêmes ont été pris dans la tourmente de l'histoire, beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Le frère de Nabokov a été déporté. Alors pourquoi finalement cet angle mort ? Je pense que ça n'est pas ce dont il se parle dans les lettres. On voit quand même l'ombre de la guerre à d'autres moments dans les lettres, malgré tout. C'est lorsque des amis, des connaissances commencent à arriver aux États-Unis, notamment Anna Fagin, qui était une cousine et qui était très proche. Et on voit ce désir d'essayer de sauver le plus possible de proches. Mais à un autre moment, dans une lettre aussi, vers la fin de la guerre, enfin, après le débarquement, je crois, Nabokov dit quelque part que les nouvelles tournent aux roses. Mais ça n'est pas un sujet pour les lettres. Et ça dit quelque chose de leur personnalité aussi, cette volonté de se détacher comme ça, d'essayer de mettre à distance la noirceur du monde. Peut-être, alors que la noirceur du monde, on la trouve dans certaines œuvres de Nabokov. Je pense que ça n'est pas le genre de choses qu'ils s'écrivent. De même que, par exemple, moi j'étais un peu surprise au début de voir qu'ils ne parlent pas du tout de cette inflation galopante. Mais parce qu'ils sont pauvres. Ils sont pauvres, ils vivent de pas grand-chose. Bon, ils donnent des leçons particulières. Ensuite, lorsque Nabokov publie à Berlin ses premiers romans, ça apporte un peu d'argent. Mais tout ce qui est inflation, par exemple, il y a le mot inflation, prix qui augmente, ouais. Cherté de la vie, ça n'existe pas. Il y a comme une sorte de détachement aristocratique, ouais. Finalement. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée à l'université à visiter, bavarder et déjeuner avec la faculté. Je me suis aperçu avec horreur que je n'avais pas pris ma conférence sur le novel qu'il voulait que je fasse à 10h30. Mais j'ai décidé de parler sans aucune note. Et cela s'est très bien passé, sans anicroche. Hier, après la sortie dans les environs, pris d'un terrible ennui, je suis allé au cinéma et en suis revenu à pied. J'ai marché plus d'une heure et me suis couché vers 8h. En cours de route, j'ai été littéralement transpercé par un éclair d'inspiration indéfinie, par une terrible envie d'écrire, et d'écrire en russe. Mais je ne peux pas. Je doute que quiconque n'a pas éprouvé ce sentiment puisse vraiment comprendre ce qu'il a de douloureux et de tragique. De ce point de vue, la langue anglaise est une illusion et un ersatz. Moi-même, dans mon état habituel, c'est-à-dire quand je suis occupé par les papillons, par des traductions ou par des travaux académiques, je ne suis pas complètement conscient de toute la tristesse et de toute l'amertume de ma situation. Je me porte bien, mange beaucoup, prends des vitamines et lis les journaux plus que d'habitude en raison des nouvelles qui tournent au rose. Saint-Paul est une ville mortellement ennuyeuse. À l'hôtel, il n'y a que des chouettes. La jeune fille du bar ressemble à Dasha. Mais mon appartement est charmant. La Compagnie des auteurs sur France Culture avec cette lettre du 9 novembre 1942 de Vladimir Nabokov à sa femme Vera, toujours lue par Pierre-Marie Baudouin. Qu'en retenez-vous, Laure Trubetskoy? Oui, c'est là où justement, dès 1942, il parle des nouvelles qui tournent aux roses. Donc il achète plusieurs journaux, donc il se tenait quand même au courant des déroulements de la guerre. Ce qui a précédé, c'est un côté pathétique sur lequel il ne s'étend pas. C'est la douleur de la perte de la langue première. Cette douleur du russe dans lequel il n'écrit plus et qui, ici, est absolument poignante. Mmh. Alors, il y a quand même dans ces lettres la présence du quotidien qui est très très très importante. Il se raconte tout, et y compris des choses qu'on ne raconte pas d'habitude dans les lettres, mais parfois avec beaucoup d'humour. Alors, il y a évidemment la lettre où il raconte son intoxication alimentaire, voilà. Ce qui est d'ailleurs très drôle parce que c'est le 6 juin 44, le jour de la rencontre de Camus et de Maria Cazares et le jour du débarquement. Oui, c'était beaucoup moins drôle pour lui qu'il avait mangé des épinards. Il avait mangé des épinards et surtout un jambon visiblement douteux. Et alors, il raconte de façon absolument désopilante quelque chose qui n'est pas drôle du tout, c'est-à-dire qu'il est pris vraiment d'un malaise épouvantable. Il est hospitalisé, il décrit la salle d'hôpital où il est hospitalisé, qu'il présente comme une véritable cour des miracles, et jusqu'au moment où des amis viennent le chercher et l'enlèvent justement, littéralement, en pyjama. Il s'évade de l'hôpital en pyjama pendant que les infirmières essaient de l'arrêter. Donc c'est une véritable petite nouvelle humoristique. Mmh. Et il y a dans les lettres certains passages qui sont construits comme des petites nouvelles. Oui, mais ça c'est un passage extraordinaire, mais il y a aussi des passages qui sont un petit peu triviaux. Des passages triviaux. Non, vous ne trouvez pas. Enfin, où il se raconte vraiment des choses, vraiment du quotidien encore une fois. Oui, bien sûr, oui, ça c'est... Mmh. Bah, d'autant plus que je pense que Vera l'avait à l'œil. Nabokov n'avait pas vraiment l'esprit pratique et visiblement elle lui donnait des directives qu'il devait suivre. Et alors dans cette petite nouvelle, dans cette lettre qui est aussi une petite nouvelle où il raconte cette intoxication, il fait le parallèle avec son petit garçon Dimitri qui est lui aussi à l'hôpital et on sent en effet tout l'amour qu'il a pour lui. Donc c'est aussi une petite chronique de l'amour familial, ces lettres. Oui, il a une énorme tendresse pour Dimitri. Il semble d'ailleurs qu'ils aient peut-être été assez permissifs avec lui. Dimitri était un enfant turbulent et qui adorait les voitures. Et on voit Nabokov qui ne lui offre pas de petite voiture au début parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais les amis offrent une voiture et il lui fait des petits dessins. Justement, on voit des voitures, des avions, et à partir du moment où Dimitri commence à pouvoir lire, enfin, d'abord voir un dessin et ensuite lire, à la fin des lettres, Nabokov écrit quelques mots pour Dimitri en grosses lettres capitales pour qu'il puisse lire et avec des petits dessins. Ouais. Ça lui jouera des tours d'ailleurs cet amour des voitures. En 1980, oui. Il aura un très grave accident sur la route de Montreux et il restera à l'hôpital très longtemps. Oui, il était passionné, il pratiquait même la course automobile parallèlement à l'opéra, Dimitri Nabokov, le fils, et effectivement c'était un très grave accident. Oui. Alors, l'enseignement des conférences, il en est aussi question dans la correspondance, puisque Nabokov a été obligé de gagner sa vie, il l'a fait de multiples façons, mais il l'a fait aussi comme conférencier et professeur, il en est question dans la correspondance aussi. Oui, quand ils arrivent aux États-Unis, bon, il vit un peu d'expédient, il donne des cours particuliers comme il l'avait fait, il travaille parce qu'il avait vraiment une compétence professionnelle d'entomologiste de haut niveau. Donc il a commencé à titre plus ou moins bénévole. Il a dit qu'il aurait pu d'ailleurs en faire réellement son activité principale. Ça n'aurait pas été pour lui une vie moins intéressante. Absolument, parce que c'était une véritable passion. Et on voit, évidemment, moi je n'y connais rien, mais on voit d'après ses lettres, certaines choses m'ont d'ailleurs donné du fil à retordre, mais on voit d'après ses lettres qu'il a un niveau de compétence tout à fait remarquable. Et donc après une période plus ou moins de bénévolat, il va travailler dans un musée d'entomologie et il va être surtout, au bout de quelques années, recruté comme professeur à l'université de Wellesley, enfin college de Wellesley. Ouais. Et ensuite, il continuera une carrière universitaire jusqu'aux années qui suivent le succès de Lolita, où là, il donnera sa démission parce qu'il n'a plus besoin d'argent. Laure Troubetskoï, on va marquer une pause, le temps d'aller voir ce qui s'écrit du côté des magazines culturels. Et ensuite, on continue de parler de Vera et Vladimir Nabokov. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et aujourd'hui, comme un mercredi sur deux, nous avons le plaisir de vous recevoir, Alexis Broca, du nouveau magazine littéraire. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Alexis, Laure. Alexis, vous avez eu entre les mains cette correspondance, je crois, de Vladimir Nabokov à sa sortie. Qu'en avez-vous pensé? Oui, bah écoutez, j'ai eu ça effectivement, c'était l'année dernière, on a reçu ça au nouveau magazine littéraire. Et on a tout de suite été évidemment frappés par... La sophistication spontanée de la prose de Nabokov, par cet humour toujours présent qui rendait ses lettres vraiment très agréables à partager, voilà. Et donc on leur a réservé en fait un traitement un peu spécial parce que lorsqu'on reçoit comme ça des textes un peu exceptionnels, on sollicite un écrivain pour les traiter. Mmh. Et là, on avait demandé à Éric Chevillard, en fait, qui est un écrivain sophistiqué lui aussi, de nous en parler. Et puis, ça a très bien marché parce que Éric Chevillard a adoré le texte. Il nous a livré un article qui était excellent. Je peux vous en lire un petit extrait d'ailleurs. Allez-y. Voilà. Alors, Éric Chevillard nous dit: ces lettres figurent parmi les plus belles qu'un homme ait jamais adressées à une femme. L'emphase romantique du poète épris, qui écœure comme trop de bonbons, laisse ici la place à une forme d'expièglerie sentimentale qui réenchante complètement le discours amoureux. Tenu encore aujourd'hui par quelques esprits obtus pour un virtuose frivole et vain prestidigitateur, comme si toute vérité ne pouvait être qu'une chose brute et terreuse, Nabokov prouve pourtant dans ses lettres que la sophistication littéraire, d'ailleurs spontanée chez lui, loin de tuer l'émotion, invente des formulations inédites qui préservent sa fraîcheur et son intensité native. Alors ça c'est pour les archives du nouveau magazine littéraire. Le futur, c'est le numéro de l'été. Voilà, le numéro de l'été qui sort demain. Alors pour cet été, nous avons décidé de vous parler du bonheur de vivre sans Dieu. Ah. Deux raisons à cela. La première, c'est le retour du sentiment religieux. Ce retour du religieux en général auquel nous assistons. Vous l'avez vu sans doute. Oui. Et le deuxième, on l'a constaté. Vous avez pu le constater. Et le deuxième, c'est quelque chose de plus intemporel, c'est cette image qu'a l'athée dans la psyché du croyant. Dans la psyché du croyant, l'athée est un homme qui va sans boussole, qui ne sait pas exactement où il va, qui doit, comme le Meursault de Camus, s'accommoder d'un monde absurde, qui voit des abîmes moraux s'ouvrir sous ses pieds, puisque si Dieu n'existe pas, et ben tout est permis. En fait, il existe des athées non seulement moraux, mais aussi tout à fait heureux de ne pas croire en Dieu. Par exemple, on a demandé à un philosophe... Vous les avez retrouvés. On les a retrouvés. C'était pas très difficile. Hein. Ils écrivent, mais bon, on leur donne rarement la parole. Là, on a fait parler, par exemple, on a fait écrire Slavoj Žižek, le philosophe, qui nous explique, j'aime beaucoup cet article, qui nous explique qu'un vrai athée, un véritable matérialiste, ne refuse pas seulement l'idée de l'existence de Dieu, il refuse aussi la fiction de Dieu. Il refuse, en fait, ce que l'on dit parfois, c'est-à-dire, oh, d'accord, Dieu n'existe pas, mais tout de même, c'est une illusion qui nous élève l'âme. Non, dit Žižek, non seulement Dieu n'existe pas, mais cette fiction est nulle. Ouais. Parce qu'en fait, ce Dieu qui nous donne vie avec toutes les souffrances qui vont avec, dans le seul but de réclamer notre amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est sinon un narcissique, vaniteux et médiocre? Donc, pour Žižek enfonce le clou, un véritable athée pense que non seulement Dieu est non advenu, mais qu'il est non pas l'infini, mais le zéro. Alors, vous êtes allé voir d'autres personnalités, comme Rhys, par exemple, le directeur de Charlie Hebdo. Voilà, on a ce grand entretien avec Rhys, qui nous expose les tentatives d'intimidation que subit son journal dès lors qu'il affiche un dessin de une anti-religieux. Ça va de l'accusation d'islamophobie ou de racisme dès que la une concerne l'islam. Mais ça parle, Rhys nous évoque aussi les procès menés par les chrétiens intégristes, notamment à partir de 92, dès qu'une de Charlie offensait le sentiment religieux. On a aussi un très beau texte de l'écrivain marocain Abdel Attaya qui nous raconte, qui nous parle d'une figure de sa jeunesse qui était une fille athée en fait, qui vivait dans son quartier de la ville de Salé, près de Rabat. Et comment cette fille en fait est devenue une sorte de mythe pour les habitants de la ville de Salé. On a un article d'un chercheur égyptien qui nous expose à quel point c'est difficile d'être athée en milieu musulman. Mm-hmm. On a une interview de Philippe Solers qui est un athée. Et pour lui, c'est pas difficile. Lui toujours très athée, toujours très joyeux. Il est, vous savez, il est contre la religion. Philippe Solers, il est tout contre la religion. Oui. Ça le passionne. Voilà. On a aussi un témoignage d'une romancière albanaise qui nous explique. Ça aussi, c'est passionnant. Elle nous explique ce que c'était que de grandir dans une Albanie communiste, qui était le seul pays officiellement athée. Voilà. Bon, et puis vous vous êtes amusé aussi en faisant un panthéon des mécréants. Ça c'est très marrant parce que on a aux côtés des grandes figures de l'athéisme, Feuerbach, Russell. Mes camarades sont allés chercher des personnages étonnants. Par exemple, le premier athée de l'Occident, qui est un poète grec, Diagoras de Mélos, qui vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors lui, on le connaît à cause des scandales qu'il a provoqués. Il s'est moqué des mystères d'Eleusis, il a essayé de décourager les Grecs d'assister, ce qui lui a valu de voir sa tête mise à prix. Mmh. Aristophane s'émeut beaucoup à son sujet, parce que visiblement, il ne croyait même pas en Zeus. Et puis on a un astrologue arabe du 9e siècle, Abou Machar, qui a inventé une façon particulière d'être athée, parce qu'il imagine en fait que le monde étant régi par les astres, les religions sont des phénomènes naturels provoqués par les mouvements des étoiles, de même que elles se valent toutes et elles naissent et disparaissent selon ce qui se passe dans nos galaxies. Voilà. Merci Alexis Broca, beau programme, beau sommaire du nouveau magazine littéraire de l'été. Ruez-vous dessus, puis nous on se retrouve Alexis à la rentrée. À bientôt. toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au troisième jour d'une semaine consacrée aux correspondances amoureuses et en l'occurrence aujourd'hui à celle entretenue par Vera et son mari Vladimir Nabokov. Bon, alors, Vladimir Nabokov, quelle est votre langue préférée? Est-ce que c'est le russe, l'anglais ou le français? La langue de mes aïeux est encore celle où je me sens parfaitement chez moi. Mais je ne regretterai jamais ma métamorphose américaine. Le français, ou plutôt mon français, qui est quelque chose de très spécial, ne se plie pas si bien au supplice de mon imagination. Sa syntaxe me défend certaines libertés que je prends naturellement avec les deux autres langues. Il va de soi que j'adore le russe, mais l'anglais le surpasse comme instrument de travail. Ah oui ? Il le surpasse en richesse de nuances, en prose délirante et en précision politique. Toute une procession de nurses et de gouvernantes anglaises sortent à ma rencontre tandis que je rentre dans mon passé. C'est une citation, ça. C'est une citation. C'est aussi d'une très bonne traduction. À 3 ans, je parlais l'anglais mieux que le russe. Et d'autre part, il y a eu une période entre l'âge de 10 et 20 ans, pendant laquelle, quoique lisant une foule prodigieuse d'auteurs anglais, Wells, Kipling, Shakespeare, le magazine The Boy's Own Paper, pour ne citer que quelques cimes, je ne parlais l'anglais que rarement. Connaissez bien entendu leur Troubetskoy, cette archive. Oui, c'est avec Bernard Pivot. Voilà, apostrophe en mai 1975. Les lettres à Vera, elles ont été toutes écrites en russe. Oui, toutes, sauf un tout petit mot, puisque les tout derniers envois de Nabokov sont des petites cartes, souvent accompagnant un bouquet ou des petits vœux pour un anniversaire. Et il y en a une qui est en anglais. Mais toutes ont été écrites en russe, oui. Et avec l'ancienne orthographe russe, c'est-à-dire celle précédant la réforme orthographique de 1918. Ah bah tout est figé pour eux en ce qui concerne la Russie avant 1918, absolument. De toute façon. Oui, oui. Pourtant, son père, Nabokov, trouvait qu'il ne parlait pas très bien le russe quand il était enfant, qu'il parlait mieux et qu'il écrivait mieux l'anglais. Et, comme il était un peu patriote, Vladimir Nabokov senior, il trouvait ça un petit peu triste. Il avait fait venir un précepteur russe pour redresser la barre. Cela dit, moi, j'ai jamais vraiment cru que Vladimir Nabokov parlait mieux anglais à l'âge de 3 ans que russe, parce que il avait une relation très privilégiée avec sa mère, et avec sa mère, et il parlait russe. Mais il est vrai que sa mère lui lisait des contes en anglais. Oui. L'allemand, il ne l'a jamais parlé, en revanche. Non. Alors, ça a été très controversé, puisqu'il a dit qu'il n'avait fait aucun effort pour apprendre l'allemand parce qu'il ne voulait pas diluer son russe dans une langue étrangère quand il était à Berlin. Beaucoup ont dit « Oh, mais il exagère, en fait, il parlait allemand ». Et son traducteur allemand, notamment le traducteur allemand des lettres, a dit « Vu les phrases en allemand qui sont dans les lettres, il a raison, il ne savait pas l'allemand ». C'est-à-dire qu'il a un allemand absolument agrammatical. Mmh. Enfin, il se débrouillait dans la vie courante. Mais ça n'est pas, pour lui, ça n'est pas une langue de culture. Ça n'est pas une langue qu'il a pratiquée comme langue de culture. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette langue russe de Nabokov telle qu'il la pratique dans les lettres envoyées à sa femme, Laure Troubetskoy? C'est une langue, vous avez parlé de passages triviaux, mais c'est une langue qui fait jouer absolument tous les registres et qui les fait jouer en même temps. Et effectivement, c'est aussi le témoignage, la preuve de l'extraordinaire souplesse du russe, qui est une langue qui n'a pas été épurée par le classicisme comme le français, enfin Malherbe vient, et qui peut faire coexister plusieurs niveaux de langue. Donc c'est une langue très souple, très poétique, pratique, mais très concrète aussi, avec beaucoup d'ellipses. C'est parfois difficile à traduire parce que, bon, d'abord parce que Vera le comprend, donc il saute des chaînons. Et il y a aussi beaucoup d'images. Et je comprends que ce soit plus facile à traduire en anglais, parce que l'anglais est aussi plus souple, plus elliptique. Vous savez, quand on traduit du russe en français, le coefficient de foisonnement, comme on dit chez les traducteurs, est de 15 à 20%. C'est-à-dire que le texte en français est de 15 à 20% plus long. Ouais. Et parfois, c'est vrai qu'on est obligé de rétablir des liens logiques, parce qu'on ne peut pas construire une phrase française sans ça, et c'est dommage. Alors, il est très inventif aussi. Il invente des mots, par exemple. Il invente des mots et il fait des jeux de mots bilingues. Il y en a un, mais là, les papillons ne sont pas loin, que j'adore. C'est lorsqu'il parle de Mickey Mouse en l'appelant Mousse Disney, comme si c'était une espèce de papillon. Il invente des mots. Je sais que ma relectrice de Fayard, ma chère Mireille Barthélémy, avec laquelle j'ai travaillé pendant longtemps, avait tiqué lorsque j'ai traduit « je l'ai » à propos d'une personne vue à un cocktail en Amérique, je l'ai glimpsé. Bon. Mais c'est « glimpsnou » en russe, c'est-à-dire qu'il prend tout « glimpse », apercevoir, avec un suffixe russe et ça donne un verbe russe. Oui, il y a beaucoup de français, de petites notations d'anglais, de transformation de mots d'une langue vers une autre. Voilà, « j'américerai », c'est-à-dire, ça c'est la première période, je partirai en Amérique. Il y a des traductions mot à mot d'expressions idiomatiques russes en français. Donc il y a tout un jeu entre les langues qui fait partie de l'espièglerie. Ça, c'est un mot que j'ai bien aimé dans la citation qui a été donnée du compte-rendu. Cette espièglerie, c'est facétie et ça leur est tout à fait naturel aussi parce que Vera, sans je pense savoir l'anglais aussi bien que lui, mais elle sait l'anglais, elle donne des leçons particulières d'anglais au début à Berlin. Et elle est tout à fait sur la même longueur d'onde, oui, en ce qui le concerne. Il faut dire que cette espièglerie, elle sert aussi pour Vladimir Nabokov à remonter le moral de Vera, qui en a parfois besoin, parce qu'elle a un fond quand même un petit peu dépressif. Et ça aussi, c'est présent. Donc c'est comme ça qu'il invente des petits noms tendres, des noms d'animaux, truffettes, ronronnettes, souriceaux, etc. C'est pour faire en sorte qu'elle aille un peu mieux. Oui, elle part pendant presque 2 mois dans une maison de repos en forêt noire parce que c'est 2 ans après leur mariage à peine. Elle est très maigre. À l'époque, elle a des problèmes de souffle, des bronchites à répétition. Et c'est bon, on est avant la guerre, avant la pénicilline. Dans ces cas-là, on a toujours peur de la tuberculose. Donc, ce qui, Dieu merci, ne lui arrive pas, mais elle va dans une maison de repos en forêt noire où ça se passe d'ailleurs pas très bien au début parce qu'il fait pas beau, l'endroit ne lui plaît pas, elle déprime. Et donc, Nabokov s'évertue à la distraire. Donc, ses vertus à la distraire en lui racontant toutes sortes de choses drôles. Et puis, il invente des petits jeux. Il invente des petits labyrinthes, des petites énigmes, toutes sortes de choses destinées à l'amuser. Il invente même un petit personnage qui serait l'auteur de ces petits jeux et qu'il affuble d'un accent, d'un défaut de prononciation. Il s'appelle Monsieur Charmant. Enfin, donc, il invente tout un petit monde pour la distraire. Un petit monde romanesque. Oui, je pense pas que c'est ce qu'il a fait de mieux d'ailleurs. Et il semble qu'elle n'appréciait pas vraiment parce qu'elle ne lui résout pas tout de suite ses petites énigmes. Mais les petits noms sont délicieux et il y en a qui sont destinés aussi à la choquer. Petit vieux, petite oiselle. Oui, pour la remettre un petit peu quand même sur pied. Des auteurs sur France Culture. Alors Nabokov, il parle également des autres dans cette correspondance. L'index assez fourni en témoigne, Lord Trubetskoy. De qui parle-t-il ? C'est l'un des intérêts de cette correspondance, c'est qu'il parle beaucoup des autres. Et dans les lettres, on voit toute une série de portraits et on a une idée de cette vie intellectuelle de l'émigration, d'abord à Berlin et ensuite à Paris, ainsi que de certains milieux universitaires en Angleterre. Donc au début, il parle évidemment de leurs proches, c'est-à-dire de la famille de Viera, parce qu'il faut quand même aussi souligner que, contrairement à d'autres correspondances amoureuses, là il s'agit d'un amour non seulement au long cours, mais d'un amour qui n'a pas rencontré d'obstacles. Ils se rencontrent jeunes, ils ne sont mariés ni l'un ni l'autre, donc il n'y a pas eu de lourde résistance. À part l'année 37 dont on a parlé. Oui, mais ça, bon, c'était né au sein de leur couple, mais il n'y avait pas d'obstacle extérieur à cet amour. Et ils s'entendaient très bien avec sa belle-famille. Donc il parle de ce petit cercle étroit auquel il rend souvent visite à Berlin lorsque Viera est dans sa maison de repos, donc il se donne des nouvelles croisées comme ça. Et ensuite, il parle de ses débuts littéraires dans les milieux littéraires russes de l'émigration de Berlin, avec ces soirées typiquement russes où on se livre aussi à des petits jeux, on fait un concours d'aphorismes, on monte en scène le procès de Poznichev. Poznichev, c'est le héros de la sonate à Kreutzer de Tolstoï, celui qui assassine sa femme, et donc c'est Nabokov qui joue le rôle de Poznichev. Et il donne de Poznichev une interprétation différente, ce qui fait que finalement il est acquitté. Tous ces personnages sont là, chacun avec un rôle, et c'est une des soirées littéraires de Berlin. Oui. Et alors ensuite, on le voit à Paris, fréquenter non seulement l'émigration russe, avec des gens qu'il adore et dont il parle avec beaucoup de tendresse, notamment son ami Von Daminsky, qui l'héberge à Paris et qui trouvera la mort dans un camp de concentration. Il ne faut pas oublier non plus ça, c'est qu'à part tous ceux qui ont réussi à survivre, qui sont passés aux États-Unis, il y a aussi ceux qui ont péri dans les camps, le frère de Nabokov, mais aussi certains de ses proches amis. Et il y a des gens qui n'aiment pas, surtout les vaniteux, les prétentieux, et là il a la dent dure et il a certains portraits au vitriol qui sont absolument délicieux. Et il y a aussi les milieux littéraires français. Il sympathise avec Supervielle. Il fréquente évidemment toute l'équipe de Mesure. C'est la fameuse photo qui a été prise à cette occasion-là. Donc ça donne une idée. Il essaie de placer quelque chose chez Gallimard. Et il y a aussi le récit d'une rencontre, récit savoureux d'une rencontre avec Gallimard qui lui avait donné rendez-vous et puis qui finalement l'a oublié. Il se morfond, il réussit à le rencontrer quand même. Bon. Et c'est une époque où il essaie absolument de placer ses œuvres, des traductions, donc rencontre aussi avec des traducteurs. Et c'est donc tout cet univers-là qu'on découvre à travers ces lettres. Parce que ce sont des lettres qui sont des récits. Bien sûr, il y a toujours l'expression de l'amour, mais ce sont des lettres récits qui peuvent se lire aussi d'une certaine façon comme un journal. Des récits, mais aussi parfois des petits poèmes. Je pense aux derniers mots que vous avez reproduits dans cette correspondance. En réalité, c'est l'avant-dernier, mais c'est le dernier qui soit vraiment daté. Hein. Il date de 1976 et c'est seulement trois lignes. Dans le désert, un téléphone a retenti. J'ai traité son charivari par le mépris et bientôt s'est interrompue la sonnerie. C'est ce petit poème absurde, bon, qui a sans doute pour arrière-fond le fait qu'il était sans cesse dérangé par le téléphone, etc. Mais c'est un poème qui est très différent des autres, justement par son côté un peu absurdiste. Alors que le poème du mot précédent ou avant ça, se référait beaucoup plus à l'univers de leur jeunesse. Te souviens-tu des orages de notre enfance, donc jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, d'ailleurs, il a écrit des poèmes en russe, mais beaucoup moins que dans la première période. Et il meurt donc quelques mois plus tard, le 2 juillet 1977. Il était né à Saint-Pétersbourg le 10 avril 1899. Qu'est-ce qui se passe pour Vera après la mort de Nabokov, Laure Troubetskoï? Elle va évidemment beaucoup travailler à la postérité de son mari et de son œuvre. Oui, elle fait partie de ces femmes qui s'étaient entièrement dévouées à leur leur mari écrivain, dont elle avait été le chauffeur, la secrétaire. La... Alors on dit que Vera a détruit ses lettres, mais paradoxalement, il y a ici et là énormément de lettres de Vera, mais des lettres qu'elle écrivait pour son mari. Elle répondait aux admirateurs, aux éditeurs, etc., à la place de son mari. Ah, donc on a quand même une idée de la manière dont elle écrivait. Oui, mais enfin, évidemment... Ah, c'est pas la même chose, c'est évidemment. Pas la même chose. Bon. Donc, elle s'est retrouvée avec le... Bon, outre l'immense douleur de la perte de son mari, elle s'est retrouvée avec le souci de cette œuvre, de ses archives. Et heureusement, elle était secondée par leur fils Dimitri, qui avait été associé par Nabokov à son œuvre, puisque Dimitri a traduit en anglais, sous la surveillance de son père, un certain nombre d'œuvres de la période russe. Et donc, Vera a commencé à envisager d'abord le tri des archives et puis le sort ultérieur des archives. Mmh. Pendant toute la période suisse, ils n'ont pas eu de maison, ils n'ont jamais eu de maison à eux, ils habitaient au Montreux Palace, et le Montreux Palace a fermé pour rénovation. Donc Dimitri a conseillé à Vera d'acheter deux appartements à côté, un plus grand où elle vivait, et un plus petit qui a servi provisoirement d'archives, de lieux où étaient stockées les archives. Et Vera Nabokov est décédée en 1991 à l'hôpital de Vevey. Merci beaucoup, Laure Troubetskoy, pour cette présentation bien complète. Tout de même, des lettres de Vladimir Nabokov à sa femme Vera. Vous les avez traduites depuis le russe et elles sont parues en 2017 aux éditions Fayard. Demain, on continue de parler des correspondances amoureuses, d'abord de manière générale avec Yvan Leclerc, puis en seconde partie, on parlera des correspondances amoureuses et amicales aussi de Chateaubriand. Mais tout de suite, sur France Culture et comme chaque jour, c'est le moment de retrouver Jacques Bonnafé et ses lectures de poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. Il y a eu ce petit écart avec Jam Sacré hier, écrire pour t'aimer, mais nous restons avec Gérard Allaire. Nous changeons de texte et nous écoutons Mbo, paru aux éditions Harpo. Mbo, oh Mbo, pourquoi Mbo? Pourquoi le taute est dans toi déjà? Pourquoi l'eau noire dans ton ventre et ta peau fendue, eau dans eau foudroyée? Oh là là, et pourquoi le battement, oh Ombo, et le sang sur tes lèvres, et la division des animaux, voix deux par deux qui descendent l'eau aimée, voix qui viennent de l'autre bord du ciel, ici où c'est fini le ciel. Ils viennent, ils reviennent, voix, essoufflés déjà, et faibles, faibles, et fuyant déjà, le feu mauvais, voix tu ne vois pas, ils mâchent ta cendre, et le slecht premier, ils errent dans ta cendre, Mbo, et la remâche en pleurant, Ombo, Mbo, Mambo, Malasduhana, Mbo, Manaoun, Manaesh, Manah, Oh, Ombo, voix remourant déjà deux par deux, et demandant, il demande maintenant le rassemblement et la prairie, il demande le hem premier, là-bas où sont l'herbe et le lait. Ombo, Mbo, voix foudroyée maintenant, haut dans haut, le mâle puissant et la femelle, de chaque espèce deux, par deux foudroyés, ceux du fleuve, ceux des étangs et des eaux hantées, ceux qui appartiennent à la forêt, voix qui habitent les ténèbres et ceux de la prairie, ceux qui s'allaitent et les mangeurs de chair, ceux qui tuent, ceux qui rampent, ceux qui parcourent le ciel et ceux des trous sous la terre et des grottes peintes, voix mâle et femelle, tout ce qui respire, voit insauvable tous les vivants, et les morts avec apportés l'aïe gardeur des fantômes, et le caïman mauvais, le mot qui fit, et l'iguane et l'araignée originaire, deux par deux foudroyés, le hurleur noir et le hurleur rouge, l'aigle nourricier pourvoyeur du soleil, et l'indicateur de miel foudroyé, la manne dite éphémère foudroyée, la menthe, prie Dieu, et le diable de Tasmanie foudroyé, le panager à grande croix, foudroyé. Le grand lab et la louvette. L'entraîne des musées, dit amourette, et la grande vrillette, dite horloge. De la mort, et celle des bibliothèques foudroyées. Le grand pan de nuit, le grand Mars changeant, le grand porte-queue foudroyé. La pipistrelle et Louis Titi Pygmée foudroyés. Chaque autre le saluait, comme si c'était un dieu. Chaque fois qui nous fait signe en passant. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures du poème du poète James Sacré.